After Job avec Francky l'après-midi. Ah ouais, je suis là, vous accompagner à Rayons d'où le sol et puis direction la mairie d'Orléans. On appelle Aurélie Leuillet. Et oui, voilà, on vous l'avait promis à 17h30. Il est 17h30. C'est parti, direction la mairie d'Orléans. Normalement, ça devrait répondre. C'est parti. C'est pas la valise RTL, il n'y a pas 4000 euros. Hein. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire. 17h30 en direct sur la radio couleur 96.2 FM. Oui, allô. Oui, bonjour Aurélie Leuillet. Comment tu vas bien? C'est la radio Arc-en-Ciel, on est bonjour en direct. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Eh bien, ça va, très bien. Ça me fait plaisir de retrouver ta belle voix à la radio, Aurélie. Oui, et voilà, bah, écoutez, avec plaisir, au contraire. Aurélie Leuillet, conseillère municipale à la mairie d'Orléans, collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Deux casquettes importantes pour toi aujourd'hui quand même. Oui, tout à fait, deux casquettes importantes. Ça permet de défendre notamment le territoire à l'Assemblée nationale. Donc voilà, deux casquettes importantes mais complémentaires si on regarde bien. Alors on est à quelques jours des municipales, à 5 jours des municipales, le deuxième tour. Aujourd'hui, Aurélie, quel est ton engagement sur les municipales? Oh, oui, alors on est à J-5 du second tour des municipales à Orléans, donc ça arrive. Moi, personnellement, j'ai décidé de renouveler ma confiance et mon engagement auprès de notre maire, Olivier Carré. Mmh. Voilà, ça s'est fait assez naturellement. Moi, ce que je constate, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les Orléanaises et les Orléanais que je rencontre au cours de mon mandat, lors de la campagne. On me dit Orléans a beaucoup changé, et c'est vrai. Ça s'est amélioré, on va dire. Tout à fait, elle s'est embellie. Moi, je souhaite qu'on continue dans cette dynamique qui était insufflée par notre maire. Je souhaite que la ville continue à aller de l'avant. Et puis, j'ai envie de dire, l'identité d'Orléans, elle n'était pas partie, mais elle s'était un peu endormie. Aujourd'hui, on regarde, les gens sont fiers. Tu veux dire qu'on a dormi un peu sur nos lauriers, c'est ça, entre guillemets? Ben oui, en fait, on n'était pas aussi fiers que ça de notre ville avant. Mmh. Maintenant, on prend notre ville en photo tout le temps, on la met sur les réseaux sociaux. Bref, en fait, Orléans, on se sent chez soi. Et j'aime beaucoup cette vision. Et je ferai en sorte d'aider le plus possible notre maire à continuer dans cette lancée. Et puis, il y a également aussi forcément le programme. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pu participer à son élaboration. C'est quand même plus d'un an de travail. Un programme assez éclectique, je l'ai sous les yeux, là. On va en énumérer quelques phrases. Justement, ce programme qui est sous mes yeux, y a-t-il des priorités dans ce programme aujourd'hui, Aurélie? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux priorités, je dirais même deux urgences. Mmh. Je peux pas en parler de toutes, mais on sort quand même de la crise de la Covid, puisqu'il faut dire la Covid. Mmh. Voilà. Donc, l'urgence, c'est sauver nos emplois et notre pouvoir d'achat. Hein. Tout le monde d'accord là-dessus. La mairie d'Orléans a aidé le plus possible nos commerçants avec la mise en place de stationnements gratuits, l'exonération des droits de voirie, des droits de terrasse, des droits d'enseigne, les primes aussi exceptionnelles. Donc il faut continuer dans ce sens plus que jamais puisque les mois qui arrivent seront décisifs. On a commencé à gagner une première victoire sur la crise sanitaire. D'autres challenges nous attendent. Donc ça c'est très important et ça va vraiment de pair avec la deuxième urgence qui est la santé. Pour moi c'était une urgence déjà bien prégnante avant le Covid, mais maintenant c'est encore plus... On voit que Monsieur Olivier Carré a donné beaucoup sur la ville d'Orléans pendant le Covid, notamment aussi pour les métiers de l'industrie de l'hôtellerie du Loiret. Ils vous ont adressé aujourd'hui un courrier, je l'ai aussi sous les yeux, pour vous remercier de l'aide de Monsieur Olivier Carré qu'il a apporté justement à toutes ces professions qui étaient en danger, on va dire, aujourd'hui, Aurélie. Oui, tout à fait. C'est important de répondre présent, puisque tout ce qui est commerçant, hôtellerie, bar, ils ont été évidemment touchés de plein fouet. Donc la mairie était présente et elle continuera à l'être. C'est notre devoir et puis c'est important pour notre ville. Enfin, c'est eux qui font battre le cœur de notre ville. c'est eux qui font de l'attractivité, du commerce, de l'emploi. Donc nous avons besoin d'eux. Voilà, je sais qu'Olivier Carin a été très présent pendant cette campagne, et puis dans la mobilisation du Covid. Enfin, on rend pas assez hommage, je trouve, aux maires. Tous les maires qui ont été sur le pont malgré la crise sanitaire. Enfin, je veux dire, Orléans, on a été quand même une des premières villes de cette taille équiper tous nos Orléanaises et nos Orléanais de masques dès le 7 mai, donc avant le confinement. Donc des masques qui ont été reçus dans les boîtes à lettres. Tout à fait, et je confirme, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah nous on a reçu le masque dans la ville d'Orléans et ça fait plaisir. Ben oui. Ouais. Oui, avant le confinement. Et puis j'en profite que tu me donnes la parole. Bien pour sûr. Remercier toutes les couturières solidaires, puisque j'ai pu conduire cette opération qui a été menée sur Orléans et sur la métropole, des centaines de couturières solidaires qui se sont mobilisées pour faire des masques en plus des masques commandés par Olivier Carré, par la mairie. Franchement, on a fait preuve d'une réelle solidarité dans tous les domaines. C'était un gros travail de terrain, Aurélie. Il fallait être présent, il fallait être proche des habitants. Ça n'a pas été toujours facile non plus avec le Covid. Non, oui, tout à fait. Ça n'a pas été facile, mais en fait, c'est le rôle d'un élu. Et j'ai envie de dire, c'est là que le rôle d'élu prend tout son sens. Il y avait tellement de situations personnelles différentes. Il n'y avait pas une situation en fait générale. On ne pouvait pas avoir un axe stratégique et dire on déroule le plan. Non, toutes les situations étaient différentes. Il a fallu gérer. On a essayé de répondre le mieux possible à chaque chose. La critique est facile. L'art est difficile. Quand on n'est pas en situation d'urgence et face à une crise qu'on ne connaissait pas, hein, c'était bien jamais sûr, vu. Nous avons pu gagner cette première étape, pas grâce à la mairie, certes, mais surtout grâce à la citoyenneté des Orléanaises et des Orléanais. Chacun a pris ses responsabilités. Et là, on peut en être fier. C'est clair. Beaucoup de choses dans vos engagements aujourd'hui sur les municipales et notamment sur aussi l'accessibilité à la ville aux handicapés. C'est super important pour vous, bien sûr. Tu trouves ou tu penses bien qu'Orléans, il y a moins d'accessibilité ou ça évolue quand même? On est en pleine évolution aujourd'hui. Alors, on fait des évolutions, mais il faut toujours continuer. Ça sera un des axes majeurs mis en place par la suite. De toute façon, quand on prend bien les nouveaux aménagements qu'on est en train de mettre en place, je parle vraiment des grands aménagements, style le centre aqualudique, le MOB, Comet, tout est orienté notamment dans ce sens. Et oui, il faudra continuer les efforts dans ce domaine, c'est loin d'être encore parfait. Et donc il ne faut pas relâcher la barre là-dessus et continuer. Bien sûr, continuer. Il y a une question de Geneviève. Alors c'est vrai qu'elle est intéressante parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas qu'à Orléans, on manque cruellement de médecins généralistes, de médecins référents. Beaucoup d'Orléanais galèrent entre guillemets, mais il n'y a pas qu'à Orléans. Attention, je cite Orléans parce qu'on est chez nous. Y aura-t-il des solutions justement dans le programme de Monsieur Olivier Carré aujourd'hui? Oui, alors c'était une des priorités avant la Covid et ça l'est encore plus maintenant. Le but, c'est d'avoir un médecin référent pour chaque Orléanaise et chaque Orléanais. Alors c'est pas une formule d'appel, une formule de stratégie politique ou de campagne. Non, c'est juste primordial. Il est important que chaque Orléanais puisse se faire soigner. On le sait, hein, quand la santé est plus là, tout fout le camp, comme on dit. C'est une priorité, c'est absolument. Donc en fait, on va mettre en place un numéro d'appel et une cellule de médiation à la mairie d'Orléans que chacun pourra appeler pour pouvoir trouver des solutions, trouver un médecin. Bien sûr. Voilà, il y aura toujours le renfort. Ah, ça a coupé Aurélie, je crois. Le renfort, on était dans un tunnel, c'est pour ça. C'est pas grave, on la rappelle tout de suite. Aurélie Leuillet en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà. J'aime bien les aléas du direct, moi, c'est comme ça, bah oui. En direct, 17h39 sur Radio Arc-en-Ciel avec Aurélie Leuillet au téléphone, qu'on appelle tout de suite. Ça a coupé, bah oui, ça arrive. Ça arrive. Messagerie, bonjour. Ah, bonjour la Aurélie. Aurélie, on a été coupé. Bah oui, on a été coupé, bah je la rappelle. Je vous rappelle que c'est Aurélie Leuillet qui est conseillère municipale à la mairie d'Orléans avec nous au téléphone. Et on rappelle Aurélie immédiatement, tout de suite. J'espère qu'elle va répondre, Aurélie. Ah oui, on a été coupé, Aurélie. Alors, c'est pas moi. Eh oui, c'est peut-être c'est, toi et ton oreille. Les aléas du direct. Non, même pas. Tu vois, Aurélie, au moins, on peut dire que la radio, on est vraiment en direct. Voilà, je le confirme. Voilà. Donc, on parlait des médecins, et justement, en parlant des médecins, on parle d'un médecin référent pour chaque heure l'année, mais les médecins aussi, certains médecins disent, bah, moi, je vais prendre ma retraite, je serai pas renouvelé, les jeunes veulent pas prendre ma place. Est-ce qu'on va pas être aussi en manque de médecins aujourd'hui si on a un médecin pour chaque heure? Oui. Ouais. Voilà, parce que donc je parle de cette cellule, mais en fait il faut un renforcement du soutien, donc des maisons de santé pluridisciplinaires. Il faut aussi que Orléans soit attractif pour nos médecins. Et pour la première fois d'ailleurs en 2020, il y a des professeurs universitaires qui vont enseigner à l'hôpital d'Orléans. Mmh. Donc ça va être renouvelé également en 2021. Donc voilà, le but c'est de rendre attractive notre ville, de faire venir les médecins. Et en fait, c'est là qu'on voit que la santé, c'est lié aussi à notre stratégie d'attractivité, d'emploi, de tourisme. En fait, tout se tient, tout est lié. Donc, il faut continuer absolument dans cette dynamique. Très bien, Aurélie. Alors, les jeunes vont certainement être contents parce que dans le programme, j'ai entreaperçu le transport gratuit pour les moins de 18 ans. Ça va être mis en place aussi dans le programme de Monsieur Olivier Carré. C'est une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même, je dirais. Oui, bien sûr. Donc, c'est important que chaque jeune puisse se déplacer gratuitement. C'est pareil, ça permettra également à la ville d'accroître ses activités, notamment pour les plus jeunes. C'est pareil aussi, souvent on faisait la réflexion par rapport aux élèves de la mairie d'Orléans, des écoles de la mairie d'Orléans. À chaque déplacement, c'est vrai que le transport était payant, donc voilà, ça permet aussi de repartir sur d'autres bases et qui, j'en suis sûre, plaira à tout le monde. Et ça permettra également à toutes et tous de profiter de notre ville encore plus. Alors, il y a eu le confinement, il y a le déconfinement. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les gens, les Orléanais en général, ont la tête à voter dans 5 jours, là, aller aux urnes, il faut y aller, justement, il faut voter. Mais est-ce que tu crois qu'ils ont l'esprit aujourd'hui, ils n'ont pas plutôt la peur encore du Covid? Alors, je te dirais que ça change actuellement, puisque il y a même encore 2 semaines, les gens n'avaient vraiment pas la tête à ça. Ouais. Là, on est à J-5. Les gens, je les vois de plus en plus réceptifs. Ils savent que c'est important aussi d'aller voter. On a vraiment besoin chaque voix doit pouvoir être portée aux urnes. C'est important de pouvoir s'exprimer. Donc, je les sens de plus en plus réceptifs. Et oui, je peux dire que d'aller voter, il faut aller voter, c'est un droit, c'est important. Les mesures sanitaires seront respectées, évidemment. Ouais. Donc voilà, et ça fait partie aussi de la reprise de notre vie. Voilà, c'est la reprise de la vie institutionnelle, c'est important aussi. Donc il ne faut pas minorer ce scrutin si essentiel. Le maire, c'est la personnalité la plus proche de ses habitants. On l'a vu en temps de crise. Hein, oui. On parle du Covid, mais moi, je pense aussi à la crise qu'on a eue avec les inondations en 2016, où je sais qu'Olivier Carré avait tenu la barre aussi également. Ça n'a pas été facile. Hein. Enfin, voilà, tout à fait. Il faut absolument se mobiliser pour avoir un maire qui nous ressemble, qui est là et qui s'engage pour nous, notamment pour une ville par la suite ambitieuse, réaliste et puis surtout porteuse d'avenir. C'est très important. L'avenir, c'est important. Donc, allons aux urnes et gardons notre maire. Voilà. Alors, on va parler rapide du pont Georges V. Il y a David qui pose une question. Oui. Elle est accessible au vélo en ce moment. Elle n'est plus que dans un sens, le pont Georges V. Est-ce que par la suite, y aura-t-il un projet comme était prévu, une passerelle justement spécialement pour les vélos, pour les pentes douces, pour les gens qui veulent être tranquilles et pas avoir affaire à toutes les voitures aujourd'hui, Aurélie? Mais oui, là ça parle aussi d'accessibilité, comme on a évoqué un peu tout à l'heure. Là actuellement, il est vrai que c'était des chantiers que nous devions mettre en place. Avec le Covid-19, ça s'est accéléré. Là actuellement, c'est en expérimentation, on regarde. Ça marche très bien. Enfin, je sais pas si tu traverses Oui, je traverse. Si tu as traversé le répondre. Bah, je me suis fait avoir l'autre jour. Je me suis fait avoir. J'étais tellement habitué à tourner, j'ai pas pu. Bon, au début, j'ai gueulé un petit peu, faut être honnête. J'ai dit, Les habitudes qui ont la vie dure, en effet. C'est ça, ouais. Mais ça marche bien. Donc après, on va voir concrètement quelles ont été les retombées positives, voir s'il y a du négatif. Hein, voilà, pour pouvoir continuer à faire aussi un plan vélo et un plan d'accessibilité plus global avec une ville qui respire plus. C'est aussi dans le chemin du développement durable qui est nécessaire. On ne doit pas du tout louper cet engagement. Donc du coup, à suivre. Pour l'instant, c'est une expérimentation. Ça a l'air de marcher. Soyons prudents. Allons jusqu'au bout de l'expérimentation et on verra par la suite. Mais le but, c'est vraiment de privilégier l'accès en toute sécurité à notre centre-ville et à nos commerces et nos commerçants. Et c'est bon pour la planète, comme dirait. C'est vrai que c'est bon pour la planète. Aujourd'hui, avant de terminer, Aurélie, ça serait quoi aujourd'hui la force de Monsieur Olivier Carré, sa force d'avoir surmonté cette crise du Covid, la force de sortie de crise aujourd'hui, ça, c'est quoi pour lui cette force qu'il a? Pour moi, en fait, l'élection municipale, c'est pas une élection comme les autres. On dit souvent qu'on vote pour l'homme. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le rassemblement qu'il a pu faire autour de lui, et c'est pas si simple. Actuellement, notre ville, elle a besoin de rassemblement de personnes positives. S'unir, c'est une force pour notre ville, et on n'a pas le choix que de s'unir vu les prochains challenges qui nous attendent. Donc, diviser la ville ne fera que l'affaiblir. Or, Olivier Carré, il a réussi à avoir une équipe dynamique, mais surtout extrêmement hétéroclite, c'est de gens uniquement compétents et de tout horizon. Donc, il y a surtout des gens issus de la société civile. Sans encart politique. Il y en a également qui sont encartés. Hein. Il y a justement des LR, des UDI, des Modem, des Agir, des XPS. Donc, en fait, ça fait vraiment toute une fusion de compétences qui est extrêmement fiable pour la suite. Ce sont des gens qui sont compétents en matière de santé, de sécurité, de commerce, sont investis dans les associations, ils connaissent nos quartiers. Et à l'heure actuelle, dès le 29 juin, il va falloir pouvoir réagir. La crise, elle ne supportera pas des limitations. Donc, pour moi, des étapes nous attendent. On est prêts. Le maire a fait preuve quand même d'une très belle gestion de la crise. Évidemment, on pourrait toujours faire mieux, mais il a été là. Il a toujours été présent non-stop depuis 5 ans et 14 ans avant en tant qu'adjoint. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est une ville avec des relations humaines apaisées et puis avec une direction politique locale stable et sereine. On a besoin de ça. La ville d'Orléans a besoin de stabilité. C'est une ville qui est modérée, qui n'aime pas les extrêmes. Et je pense que justement le rassemblement qu'il est en train de faire est synonyme d'avenir et très porteur pour la suite. D'accord. Et tu dis justement, il était présent. On va terminer avec ça avant le dernier avec toi. Il a été présent aussi pour le milieu de la nuit parce que je sais qu'il a fait un courrier à Monsieur Édouard Philippe pour soutenir les discothèques qui sont toujours fermées. Aurélie, on voulait le remercier parce que je fais partie du système aussi et ça a été un geste symbolique et qui a été important pour nous et pour le milieu de la nuit justement. Et on voulait vraiment le remercier du fond du cœur. Ça sera relayé. Je sais qu'il a écrit aussi au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, là-dessus. Donc, c'est quelque chose, c'est comme le soutien à nos commerçants. Il faut être auprès de vous et on sera là, évidemment. Aurélie Leuillet, je vais te laisser le dernier mot de la fin pour les municipales. On est à 5 jours. Si tu avais un mot, c'est une image, hein, une dernière phrase, justement, à quelques jours des municipales. Moi je dirais que c'est pas en pleine crise qu'on change de capitaine. Donc, pour moi, le 28 juin, c'est notre maire. Voilà. Sur cette belle phrase, on va se quitter, Aurélie. Écoute, super, merci. Tu quittes pas, je te prends en antenne, hein? Comment? Ne quitte pas, je te prends hors antenne, ok? Très bien, ok, ça marche. Merci Aurélie Leuillet. Merci à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi.